Section 15 de « Essai sur les révolutions, suivi des études historiques » par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Complément, suite. De l'esprit des prêtres chez les anciens et chez les modernes, considéré dans un gouvernement populaire. Nous avons consacré la fin de ce premier livre à des recherches sur les religions. Les prêtres tiennent de si près à ce sujet, et leur influence a été si grande dans tous les siècles, qu'on ne peut s'empêcher d'en dire un mot en parlant du culte. Au reste, ceci demanderait un volume, et je n'ai que quelques chapitres à y consacrer. J'entends par prêtres des ministres dévoués au service de l'autel, qui ont souvent des vertus, quelquefois des vices, vivent des préjugés du peuple, comme mille autres étant, ne sont ni plus ni moins fripons que le reste de leur siècle, ni meilleurs ni pires que les autres hommes. Ceux de l'Antiquité nous offrent un esprit un peu différent de ceux de notre âge. Ceci tient aux dispositions politiques des nations. Distinguons donc entre les prêtres dans un État monarchique et les prêtres dans une république. Commençons par les derniers. Chez les Grecs et chez les Romains, l'influence du sacerdoce était considérable. Mais l'État se trouvant administré sous une forme populaire, l'intérêt des prêtres penchait du côté de la liberté. Lorsqu'on allait consulter l'oracle de Delphes, les réponses du dieu se faisaient généralement dans le sens de l'indépendance. Cependant, il se ménageait toujours adroitement une porte de retraite, et les trépieds des tyrans étaient suspendus aux voûtes du temple comme ceux des patriotes. En cela, les prêtres anciens et les prêtres modernes se ressemblaient parfaitement. Autre ressemblance. La caste religieuse d'Athènes n'était guère moins persécutante que les ministres du christianisme. Les sophistes s'en trouvaient aussi mal en Grèce que les encyclopédistes en France, mais comme la loi dans le premier pays protégeait le citoyen lorsque la charge d'impiété n'était pas prouvée, le magistrat renvoyait l'accusé. Pour claquemurer parmi nous un philosophe à la Bastille, il ne fallait pas tant de cérémonies. Venons maintenant aux différences. D'abord, une très importante se présente. Les prêtres des Grecs avaient un pouvoir considérable sur la masse du peuple, mais ils n'en exerçaient aucun sur les particuliers. Les nôtres, au contraire, nous environnaient, nous assiégeaient. Ils nous prenaient au sortir du sein de nos mères et ne nous quittaient plus qu'après nous avoir déposés dans la tombe. Il y a des hommes qui font le métier de vampires, qui vous sucent l'argent, le sang et jusqu'à la pensée. Seconde différence, chez les anciens, surtout à Rome, les prêtres ignoraient ce système d'association qui communique tant de force aux choses religieuses. Les ministres des dieux, dispersés dans l'État, ne s'appuyaient point les uns les autres, et par conséquent ne pouvaient, comme individus, devenir dangereux à la liberté. La constitution hiérarchique de l'Église romaine, chez les peuples modernes, infusait dans tout le clergé un esprit de corps trop formidable. Au reste, les gardiens du culte en Grèce, graves, posés, vertueux, se tenaient dans la mesure de leur profession. Nos abbés en manteau court exhibaient à Paris le vice, le ridicule et la sottise. Et l'on concevait à peine comment des hommes pouvaient ainsi se donner en spectacle si l'on ne connaissait la bêtise et la friponnerie du monde. Lorsque je vois les différents personnages de la société, je me figure des escrocs qui se rendent exprès sur les promenades publiques bizarrement vêtus. Tandis que la foule hébétée se rassemble à considérer le bout du ruban rouge, bleu, noir, dont le pasquin est bariolé, celui-ci vide adroitement ses poches, et c'est toujours le plus chargé de décoration qui fait fortune. Tout considéré, les prêtres sont nécessaires aux mœurs et excellents dans une république. Ils ne sauraient y causer de mal et peuvent y faire beaucoup de bien. De l'esprit des prêtres, etc., considéré dans un gouvernement monarchique. Mais si l'esprit du sacerdoce peut être salutaire dans une république, il devient terrible dans un état despotique, parce que, servant d'une arrière-garde aux tyrans, il rend l'esclavage légitime et sain aux yeux du peuple. Les prêtres de la Perse et de l'Égypte ressemblèrent parfaitement aux nôtres. Leur esprit se composait fatalement de fanatisme et d'intolérance. Les mages firent brûler et ravager les temples de la Grèce lors de l'expédition de Xérès. Ils gouvernaient le trône et avaient exclusivement l'oreille des rois. De traits, cependant, les distinguaient des ministres du culte chez les chrétiens. Ils ne croyaient pas à la religion qu'ils enseignaient. Ils professaient secrètement une autre doctrine et adressaient leurs prières au vrai Dieu qui gouverne le monde. Nos prêtres, pour la plupart, admettent les dogmes qu'ils publient. La seconde différence se trouve dans les Lumières. Les mages étudiaient particulièrement les sciences. Notre clergé, au contraire, faisait vœu d'y renoncer. Les deux chemins conduisent au même but. L'on domine également du fond du tonneau de Diogène et du haut de l'observatoire babylonien. Mais une institution particulière a contribué à donner à nos ministres un esprit différent de celui des prêtres de l'Antiquité, je veux dire la confession auriculaire. Cet usage a été un des grands textes des déclamations des philosophes. Comment, disait-il, l'innocence allant peut-être déposer ses secrets dans le sein du crime, la pudeur dans celui de l'immoralité, l'homme libre révélant sa pensée à l'oreille du tyran, les intimités entre deux amis, entre l'époux et l'épouse, enfin, tout ce qui ne doit être connu que du ciel et de nous, le confier à un homme faible, à un homme sujet à nos passions. Prêtre, je m'agenouille à ton tribunal, j'ai péché, j'ai trahi l'amitié, la beauté, la jeunesse, l'innocence. Mais je te vois pâlir, et toi aussi serais-tu coupable, et n'es-tu pas homme? Sois donc mon ami, et ne sois pas mon juge. Console-moi, laisse-moi te consoler. Prions ce Dieu qui nous créa faibles, afin que nous nous appuyions l'un sur l'autre. Ce Dieu qui, pour toute pénitence, nous a donné le remords. Ainsi raisonnaient les philosophes. Finissons par quelques remarques générales. L'esprit dominant du sacerdoce doit être l'égoïsme. Le prêtre n'a que lui seul dans le monde. Repoussé de la société, il se concentre. Et voyant que tous les hommes s'occupent de leurs intérêts, il cherche le sien. Sans femme et sans enfant, il peut rarement être bon citoyen parce qu'il prend peu d'intérêt à l'État. Pour aimer la patrie, il faut avoir fait le tour de la chambre sur ses mains comme Henri IV. Autre trait général du caractère des prêtres, le fanatisme. En cela, ils ressemblent au reste du monde. Chacun fait valoir le chaland dont il vit. Nous sommes assis dans la société comme des marchands dans leur boutique. L'un vend des lois, l'autre des abus, un troisième du mensonge, un quatrième de l'esclavage. Le plus honnête homme est celui qui ne falsifie point sa drogue et qui la débite toute pure sans en déguiser l'amertume avec de la liberté, du patriotisme, de la religion. Enfin, la haine doit dominer chez les prêtres parce qu'ils forment un corps. Il n'est point de la nature du cœur humain de s'associer pour faire du bien. C'est le grand danger des clubs et des confréries. Les hommes mettent en commun leur haine et presque jamais leur amour. Du clergé actuel en Europe, du clergé en France. Nous allons maintenant examiner l'état du clergé en Europe. Commençons par la France. Le clergé gallican peut se diviser en trois classes, les évêques, les abbés et les curés. Les évêques conservaient peut-être encore trop de l'ancien esprit de leur ordre, mais ils étaient généralement instruits et charitables. Ils connaissaient mieux l'état de l'opinion que les grands parce qu'ils vivaient davantage avec le peuple. Et si tous avaient imité quelques-uns d'entre eux, si éminents pour la pureté des mœurs, ils seraient encore à la tête de leurs troupeaux. Mais, malgré leur connaissance du génie national, ils ne furent pas assez au niveau de leur siècle, en cela pourtant moins ignorants que la cour dont l'ineptie était révoltante sur cet article. J'ai vu des hommes me dire en 1789 « La Révolution, on en parlera dans 2 ou 3 ans d'ici, comme du mesmérisme et de l'affaire du collier. » Dès lors, je prévis de grands malheurs. Les abbés, qui forment la seconde classe, ont été en partie la cause de ce déluge de haine qui a fondu sur la tête du clergé. N'oublions pas cependant que les Rénal, les Mably, les Condillac, les Barthélemy et 1000 autres se trouvaient dans l'ordre des abbés. Quant aux curés, ils étaient pleins de préjugés et d'ignorance, mais la simplicité du cœur, la sainteté de la vie, la pauvreté évangélique, la charité céleste en faisait la partie la plus respectable de la nation. J'en ai connu quelques-uns qui semblaient moins des hommes que des esprits bienfaisants descendus sur la terre pour soulager les maux de l'humanité. Souvent, ils se dépouillèrent de leurs vêtements pour en couvrir la nudité de leurs semblables. Souvent, ils se refusèrent la vie même pour nourrir le nécessiteux. Qui oserait reprocher à de tels hommes quelque sévérité d'opinion? Qui de nous, superbe philanthrope, voudrait, durant la rigueur des hivers, dans l'épaisseur des ténèbres, se voir réveillé au milieu de la nuit pour aller porter au loin dans la campagne un dieu de vie à l'indigent expirant sur un peu de paille? Qui de nous voudrait avoir sans cesse le cœur brisé du spectacle d'une misère qu'on ne peut secourir, se voir environnée d'une famille à moitié nue, dont les joues creuses, les yeux havres, annoncent l'ardeur de la faim et de tous les besoins. Consentirions-nous à suivre le curé de la ville dans le séjour du crime et de la douleur pour consoler le vice et l'impureté sous ses formes les plus dégoûtantes, pour verser l'espérance dans un cœur désespéré? Qui de nous, enfin, voudrait se séquestrer du monde déshéreux pour vivre éternellement parmi les souffrances et ne recevoir en mourant pour tant de bienfaits que l'ingratitude des pauvres et la calomnie des riches? On peut conjecturer de cet état du clergé en France que le christianisme y subsistera encore longtemps. Le prêtre, vivant au milieu d'un petit peuple, étant presque aussi indigent que lui, est un compagnon d'infortune que le misérable se résoudra difficilement à perdre. Le protestantisme serait mal calculé pour mes compatriotes. Ils détesteraient un ministre distant qu'ils n'apercevraient qu'un moment chaque dimanche. Ils demandent un curé populaire qu'ils puissent adorer et couvrir d'injures. Le français est la plus aimante des créatures. Il lui faut des gestes, des expressions chaudes, de l'intimité. Au reste, cette communion du pasteur avec l'indigent est un des liens les plus respectables qui se soit jamais formé entre les hommes. Le christianisme a repris une nouvelle vigueur en France par la persécution du bas clergé. Il est à présumer qu'il durera quelques années de plus qu'il n'aurait fait dans le calme. Du clergé en Italie. La multiplicité des sectes monastiques en Italie sert à y nourrir la superstition. Qui croirait qu'à la fin du XVIIIe siècle, les nobles de Rome font encore des pèlerinages pieds nus et la hâte au cou pour acheter le pardon d'un assassinat? Mais, comme les contraires existent toujours l'un près de l'autre, il suit de cette crédulité que les liens de la religion sont plus près de se rompre. De tous les temps, les Italiens furent divisés entre deux sectes, l'une athée, l'autre superstitieuse. Voisine des abus et des vices de la cour de Rome, c'est nécessairement le résultat de leur position locale. La dégénération du caractère moral, plus avancée en Italie que dans le reste de l'Europe, y accélérera aussi la chute du christianisme. Du clergé en Allemagne. C'est en Allemagne que la religion trouvera son dernier refuge. Elle s'y soutient par la force morale du peuple et par les vertus et les lumières du clergé. J'ai souvent vu quelques vénérables pasteurs à la porte de son presbytère champêtre faire un pro naïf à de bonnes gens qui semblaient tous attendris. Je me suis cru transporté à ces temps où le dieu de Jacob se communiquait au patriarche au bord des fontaines. Du clergé en Angleterre. Le christianisme expirera en Angleterre dans une profonde indifférence. La raison de cette tiédeur en matière religieuse, si remarquable dans la Grande-Bretagne, se tire de deux causes, du culte et du clergé. Du culte, la religion n'y a pas assez d'extérieur, défaut de toutes les religions réformées. Les exercices de piété n'y sont pas assez multipliés. Dans les campagnes, les temples restent fermés pendant la semaine et tout s'y borne à quelques courtes prières le dimanche. Johnson se plaint souvent de cet usage et en prédit la chute du christianisme. Du clergé. Le ministre anglais, riche et homme du monde, ne se rapproche pas assez du peuple, à peine ses paroissiens le connaissent-ils. L'abus de non-résidence est aussi un grand détriment de la religion. Un ministre va desservir en hâte deux ou trois églises le dimanche, dans la campagne, ensuite se retire dans la ville voisine où il disparaît pour 8 jours. Vu sous le jour philosophique, on ne saurait blâmer le mode de vie qu'a choisi le clergé britannique. Considéré sous le jour religieux, il accélère certainement la chute du christianisme. On ne peut se figurer l'étonnement des étrangers lorsqu'on leur apprend que les ministres anglais dansent au bal, donnent des fêtes, font des parties de vin et de femmes, que rien en un mot ne distingue leurs mœurs de celles de leurs compatriotes. Les lumières, l'érudition, la philosophie, la générosité que j'ai rencontrée parmi quelques membres de l'Église anglicane me font déplorer du fond du cœur la ruine où je vois que la force des choses et le train du siècle les précipitent. Il me semble impossible que leur manière de vivre s'accorde longtemps avec leurs grands revenus parce que la première est d'eux et que les seconds sont du peuple. Si je parle sévèrement, qu'on m'excuse, je fais profession de vérité. C'est par reconnaissance même que j'ose m'expliquer avec cette franchise, afin que le clergé cherche dans sa sagesse les moyens les plus propres à éloigner la catastrophe que je lui prédis. Du clergé en Espagne et en Portugal, Voyage aux Açores, anecdote. Je considère les prêtres espagnols et portugais comme ne formant qu'un corps, et je vais raconter un fait dont j'ai été témoin qui servira plus à faire connaître leurs mœurs que tout ce que je pourrais en dire. Manquant d'eau et de provisions fraîches, et nous trouvant, au printemps de 1791, par la hauteur des Açores, il fut résolu que nous y relâcherions. Dans le vaisseau sur lequel je passais alors en Amérique, il y avait plusieurs prêtres français qui émigraient à Baltimore sous la conduite du supérieur de Saint-Hémen. Parmi ces prêtres se trouvaient quelques étrangers, en particulier M.T., jeune anglais d'une excellente famille qui s'était nouvellement converti à la religion romaine. Le 6 mai, vers les 8 heures du matin, nous découvrîmes le pic de l'île du même nom qui, dit-on, surpasse en hauteur celui de Tenerife. Bientôt, nous aperçûmes une terre plus basse et entre 11 heures et midi, nous jetâmes l'ancre dans une mauvaise rade sur un fond de roche par 45 brasses d'eau. L'île Graciosa, devant laquelle nous étions mouillés, se forme de petites collines un peu renflées au sommet comme les belles courbes des vases corinthiens. Elles étaient alors couvertes de la verdure naissante des blés d'où s'exhalait une odeur suave particulière aux moissons des Açores. On voyait paraître au milieu de ces tapis onduleux, les divisions symétriques des champs formés de pierres volcaniques, mi-parties blanches et noires, et entassées les unes sur les autres, comme les murs à hauteur d'appui, bâtis à froid. Des figuiers sauvages, avec leurs feuilles violettes, et leurs petites figues pourprées et arrangées comme des nœuds de chapelet sur les branches, étaient semés çà et là dans la campagne. Une abbaye se montrait au haut d'un mont. Au pied de ce mont, dans une anse caillouteuse, apparaissaient les toits rouges de la petite ville de Santa Cruz. Toute l'île, avec ses découpures de baies, de capes, de criques, de promontoires, répétait son paysage inverti dans les flots. De grands rochers nus, verticaux au plan des vagues, lui servaient de ceinture extérieure et contrastaient, par leurs couleurs enfumées, avec les festons d'écume qui s'y appendaient au soleil comme une dentelle d'argent. Le pic de l'île de même nom, par-delà Graciosa, s'élevait majestueusement dans le fond du tableau, au-dessus d'une coupole de nuages. Une mer couleur d'émeraude et un ciel du bleu le plus pur formaient la tenture de la scène, tandis que des goélands, des mauves blanches, des corneilles marbrées, des Açores, planaient pesamment en criant au-dessus du vaisseau à l'ancre, coupaient la surface des vagues avec leurs grandes ailes recourbées en manière de faux, et augmentaient autour de nous le bruit, le mouvement et la vie. Il fut décidé que j'irais à terre comme interprète avec T, un autre jeune homme, et le second capitaine. On mit la chaloupe en mer, et nos matelots ramèrent vers le rivage, dont nous étions à environ 2000. Bientôt nous aperçûmes du mouvement sur la côte, et un large canot s'avança vers nous. Aussitôt qu'il parvint à la portée de la voix, nous distinguâmes une quantité de moines. Ils nous hélèrent en portugais, en italien, en anglais, et nous répondîmes dans ces trois langues que nous étions français. L'alarme régnait dans l'île, notre vaisseau était le premier bâtiment d'un grand port qui eût jamais abordé et qui eût osé mouiller dans la rade dangereuse où nous nous trouvions. D'une autre part, notre pavillon tricolore n'avait point encore flotté dans ces parages, et l'on ne savait si nous sortions d'Alger ou de Tunis. Quand on vit que nous portions figures humaines et que nous entendions ce qu'on nous disait, la joie fut universelle. Les moines nous firent passer dans leur bateau et nous arrivâmes à Santa Cruz où nous débarquâmes avec difficulté à cause d'un ressac assez violent qui se forme à terre. Toute l'île accourut pour nous voir. 4 ou 5 malheureux qu'on avait armés de vieilles piques à la hâte s'emparèrent de nous. L'uniforme de Sa Majesté m'attirant particulièrement les honneurs, je passai pour l'homme important de la députation. On nous conduisit chez le gouverneur, dans une misérable maison, où son éminence, vêtue d'un méchant habit vert, autrefois galonné d'or, nous donna notre audience de réception. Il nous permit d'acheter les différents articles dont nous nous faisions besoin. On nous relâcha après cette cérémonie, et nos fidèles religieux nous menèrent à un hôtel large, commode et éclairé, qui ressemblait bien plus à celui du gouverneur que le véritable. T avait trouvé un compatriote. Le principal frère, qui se donnait tous les mouvements pour nous, était un matelot de Jersey, dont le vaisseau avait péri sur Graciosa plusieurs années auparavant. Lorsqu'il se fut sauvé seul à terre, ne manquant pas d'intelligence, il s'aperçut qu'il n'y avait qu'un métier dans l'île, celui de moine. Il se résolut de le devenir. il se montra extrêmement docile aux leçons des bons pères, apprit le portugais et à lire quelques mots de latin. Enfin, sa qualité d'anglais parlant pour lui, on sacra cette brebis ramenée au bercail. Le matelot jerseyois, nourri, logé, chauffé, à ne rien faire et à boire du feyal, trouvait cela beaucoup plus doux que d'aller ferler la misaine au bout de la vergue. Il se ressouvenait encore de son ancien métier. Ayant été longtemps sans parler sa langue, il était enchanté de trouver enfin quelqu'un qui l'entendît. Il riait, jurait, nous racontait en vrai marin l'histoire scandaleuse du père Tell, qui se trouvait présent et qui ne se doutait guère du genre de conversation dont le frère anglais nous régalait. Il nous promena ensuite dans l'île et à son couvent. La moitié de Graciosa, sans beaucoup d'exagération, me sembla peuplée de moines. Et le reste des habitants doit aussi leur appartenir par de tendres liens. De cela, j'ai non seulement l'aveu de plusieurs femmes, mais ce que j'ai vu de mes yeux ne peut me laisser là-dessus aucun doute. Je passe plusieurs anecdotes plaisantes et je m'en tiens à ce qui regarde le clergé. Le soir étant venu, on nous servit un excellent souper. Nous eûmes, pour échanson, de très jolies filles. Il fallut avaler du feyal à grands flots. On prévoyait assez ce qui nous arriva. À 1 heure du matin, pas un convive ne pouvait se tenir dans sa chaise. À 6 heures, notre moine de Jersey nous déclara, en balbutiant et avec un serment anglais fort connu, qu'il prétendait dire sur le champ la messe. Nous l'accompagnâmes à l'église où, dans moins de 5 minutes, il eut expédié le tout. Plusieurs Portugais assistèrent très dévotement au saint sacrifice, et en nous en retournant, nous rencontrâmes beaucoup de peuples qui baisaient religieusement la manche du père. L'impudence avec laquelle ce matelot, encore épris de vin et de débauche, présentait son bras à la foule, me divertissait, en même temps que je ne pouvais m'empêcher de déplorer au fond du cœur la stupidité humaine. Ayant embarqué nos provisions vers le midi, nous retournâmes nous-mêmes à bord, accompagnés de nos inséparables religieux, qui nous présentaient un compte énorme qu'il fallut payer. Ils se chargèrent de nos lettres pour l'Europe et nous quittèrent avec de grandes protestations d'amitié. Le vaisseau s'était trouvé en danger la nuit précédente par la levée d'une forte brise de l'Est. On voulut virer l'ancre, mais comme on s'y attendait, on la perdit. Telle fut la fin de notre expédition. Je veux croire que ces mœurs du clergé espagnol et portugais ne soient pas générales, mais on sait qu'elles ne sont pas pures. On pourrait en prédire la chute de la religion si en même temps le peuple n'était si avili, si superstitieux, qu'on conçoit à peine où il pourrait trouver assez d'énergie pour se soustraire aux abus qui le rongent. Le christianisme subsistera donc encore longtemps en Espagne, à moins que quelques raisons étrangères viennent en hâter la chute. Il est curieux qu'à Graciosa, les moines parlassent aussi de réformes qui devaient avoir lieu dans leur couvent. Ils avaient ouï dire quelque chose des affaires de France. Quant à la conduite du matelot de Jersey, elle ne manquait ni d'esprit, ni d'une espèce de philosophie. Il possédait du moins celle qui consiste à se ranger du côté des fripons plutôt que du parti des dupes. En cela, il était toujours sûr d'avoir pour lui la voix d'une majorité respectable de la société. Quelle sera la religion qui remplacera le christianisme? À la fin de cette histoire abrégée du polythéisme et du christianisme, une question se présente. Quelle sera la religion qui remplacera le christianisme? Tout intéressante que soit cette question, elle demeure presque insoluble d'après les données communes. Le christianisme tombe de jour en jour, et cependant, nous ne voyons pas qu'aucune secte cachée circule sourdement en Europe et envahisse l'ancienne religion. Jupiter ne saurait revivre, la doctrine de Swedenborg ou des Illuminés ne deviendra point un culte dominant, un petit nombre peut prétendre aux inspirations, mais non la masse des individus. Un culte moral, où l'on personnifierait seulement les vertus comme la sagesse, la valeur, est absurde à proposer. La religion naturelle n'offre pas plus de probabilité. Le sage peut la suivre, mais elle est trop au-dessus de la foule. Un dieu, une âme immortelle, des peines et des récompenses ramènent le peuple de nécessité à un culte composé. D'ailleurs, cette métaphysique ne sera jamais à sa portée. Peut-on supposer que quelque imposteur, quelque nouveau Mahomet, sorti d'Orient, s'avance la flamme et le feu à la main et viennent forcer les chrétiens à fléchir le genou devant son idole? La poudre à canon nous a mis à l'abri de ce malheur. S'élèvera-t-il parmi nous lorsque le christianisme sera tombé en discrédit absolu, un homme qui se met à prêcher un culte nouveau, mais alors les nations seront trop indifférentes en matière religieuse et trop corrompues pour s'embarrasser des rêveries du nouvel envoyé, et sa doctrine mourrait dans le mépris, comme celle des illuminés de notre siècle. Cependant, il faut une religion où la société périt. En vérité, plus on envisage la question, plus on s'effraie. Il semble que l'Europe touche au moment d'une révolution, ou plutôt d'une dissolution, dont celle de la France n'est que l'avant-coureur. Autre hypothèse, ne serait-il pas possible que les peuples atteignissent un degré de lumières et de connaissances morales suffisant pour n'avoir plus besoin de culte? La découverte de l'imprimerie ne change-t-elle pas à cet égard toutes les anciennes données? Ceci tombe dans le système de perfection que j'examinerai ailleurs. Je n'ai qu'un mot à en dire ici. Lorsqu'on réfléchit que la grande cause, qui renouvela si souvent la face du monde ancien, a entièrement cessé, que l'irruption des peuples sauvages n'est plus à craindre pour l'Europe, ou voit s'ouvrir devant soi un abîme immense de conjectures. Que deviendront les hommes? Deux solutions. Ou les nations, après un amas énorme de lumière, deviendront toutes éclairées et s'uniront sous un même gouvernement dans un état de bonheur inaltérable, ou, déchirées intérieurement par des révolutions partielles, après de longues guerres civiles et une anarchie affreuse, elles retourneront tour à tour à la barbarie. Durant ces troubles, quelques-unes d'entre elles, moins avancées dans la corruption et les lumières, s'élèveront sur les débris des premières pour devenir à leur tour la proie de leurs dissensions et de leurs mauvaises mœurs. Alors, les premières nations, tombées dans la barbarie, en émergeront de nouveau et reprendront leur place sur le globe, ainsi de suite, dans une révolution sans terme. Si nous jugeons du futur par le passé, il faut avouer que cette solution convient mieux que l'autre à notre faiblesse. Si l'on demandait à présent quels sont les peuples qui se détruiront les premiers, je répondrai « ceux qui sont les plus corrompus ». Cependant, il y a des chances et des événements incalculables qui peuvent précipiter une nation à sa ruine, avant l'époque marquée par la nature. Mais ces visions politiques sont trop incertaines. Elles servent tout au plus à satisfaire ce penchant de notre âme qui la porte à s'arrêter à des perspectives infinies. Puisqu'on ne saurait rien apprendre d'utile, cessons d'interroger des siècles à naître, trop loin pour que nous puissions les entendre, et dont la faible voix expire en remontant jusqu'à nous à travers l'immensité de l'avenir. Ici, je remplis la première partie de ma tâche. On a maintenant sous les yeux une histoire à peu près complète des révolutions de la Grèce, considérées dans leur rapport avec la Révolution française. Nous allons maintenant quitter, pour n'y plus revenir, la terre sacrée des talents. Si j'y ai fait voyager le lecteur avec un peu d'intérêt, peut-être consentira-t-il à me suivre dans mes nouvelles courses en Italie et chez les peuples modernes. Mais avant de les commencer, ces courses, il faut dire un dernier adieu à Sparte et à Athènes et tâcher de résumer ce que nous avons appris. Fin de la section 15.